Sai Foco. La Katia y Fred. Yeah.

makambo oyo ebomi mokili attention pila mosikeba likoyela yo oyeba te mawe e mawe moi mokongalaka e mokobungaka sanza pe kongala soki mapata ezalite likoyela yo oyeba te bapangi ya munu makambo ye mokili oyo makambo ya mbongo yozwi mbongo yokomikomitombola moko oyokweya yoyeba ayeba te prizo bitomene bijulokufa bango batambola pete n'est-ce pas princes madelo bongo mokolo ya kweya yoyeba babotola yo ndako babotola yo basi mpe mituka na baninga na yo mawe mawe mawe e mawe Aminata otata Geneva Anita otata Femeki Susuko Nakolela ngongo Lela Madina tata Nakolela ngongo Diara ngo diara Kebabi kumba kumba e Aminata Kebabi fitia e Geneva

Je veux mettre l'incombo. L'incombo qui est quatre pattes. Qui marche quatre pattes. Qui plairait bien. Et musique qui va me dire. Money.

Makambo et si échangea. Naleli kwa

Radio Tropical, France Inter, Deli Kimoko, Miguel Yamba, Petit Touré, Balatou, Amoréa, yeah. Abidjan, on dit quoi, les gars là, dans le système, Mathieu.

ba promesse en haut et comme un capé élastique et théo les allées livrées ailleurs n'a ma camboya ailleurs moi la moto c'est dur dur balinga yo c'est dur dur olingama Thank you. Avec elle, après elle me donne son numéro de téléphone. La langue de ma je la renvoie. Et on fait

If you marry a taxi driver, Small. Jean-Marie Moulin. guitare zaga likwanza. Na betenge, foto Joël. Waba Rikle, Waba Sonne, Kabo Sen Original, la Sutuga, la Boudé. Le meilleur photographe d'Alil. na puisa, papi qui na puisa, na melin. Arc de triomphe n'a qu'une servie.